Mark M. Dan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 13. Des connaissances spirituelles qui peuvent être perçues par la mémoire. Nous avons placé les connaissances spirituelles dans la troisième catégorie des conceptions de la mémoire. Ce n'est pas qu'elles appartiennent, comme les autres, au sens corporel de l'imagination, mais c'est parce qu'elles sont aussi l'objet du souvenir et de l'exercice de la mémoire dans sa partie spirituelle. Si l'âme peut se rappeler à son gré, celles qui lui ont été présentées, ce n'est pas au moyen d'une forme ou d'une image, gravée dans le sens corporel, ce sens étant incapable de recevoir les formes spirituelles. Elle s'en souvient d'une manière intellectuelle et spirituelle, ou par la forme qu'elle en a reçue, ou par l'effet qu'ont produit ses connaissances. C'est pourquoi je les place parmi celles qui émanent de la mémoire, bien qu'elle n'ait pas une relation directe avec l'imagination. Quant à leur nature, et à la conduite de l'âme à leur égard pour arriver à l'union divine, nous avons assez développé ces deux points dans le chapitre 24 du deuxième livre, où nous avons traité de ces connaissances, au point de vue de leur rapport avec l'entendement. Le lecteur se souviendra que nous les avons divisées en deux classes, les connaissances des perfections incréées et les connaissances des créatures, afin de faire mieux connaître comment la mémoire doit se comporter dans l'usage de ces connaissances. Pour atteindre le but de l'union, je répète ce que je viens d'expliquer, dans le chapitre précédent, au sujet des connaissances formelles, celles qui regardent les créatures sont du même genre, et si elles produisent un bon effet, l'âme peut s'en souvenir avec fruit, en vue de réveiller l'amour et l'intelligence des choses de Dieu, si leur souvenir, au contraire, n'amène aucun bon résultat pour l'âme. Jamais elle ne doit s'y arrêter sciemment. Quant aux connaissances des choses incréées, je l'engage à se les remettre en mémoire le plus souvent possible. Ce sont des touches et des sentiments d'union, dont les biens inappréciables conduisent l'âme au terme heureux vers lequel nous l'acheminons. D'ailleurs, il n'est pas besoin de forme, de figure ou d'image pour se rappeler ces touches et ces sentiments d'union, dont le propre est d'être insaisissable. L'âme retrouve les effets de lumière, d'amour, de délices et de renouvellement spirituel qu'ils ont opéré en elle, et qui renaissent, au moins en partie, à chaque ressouvenir. Chapitre 14. Résumé général de la manière dont les âmes spirituelles doivent se comporter à l'égard de la mémoire. Avant de terminer ce sujet de la mémoire, il est bon de donner ici au lecteur comme un exposé de la conduite générale qu'il doit tenir, afin de pouvoir s'unir à Dieu en ce qui concerne cette puissance. Nous lui en avons déjà suffisamment tracé la voie, néanmoins ce résumé lui facilitera encore l'intelligence de notre doctrine. Tout d'abord, il faut observer que notre seule prétention est d'unir la mémoire à Dieu par la vertu d'espérance. Or, on espère que l'objet dont on n'a pas la possession, par conséquent, moins on possède, plus on a en soi de capacité et d'aptitude pour espérer l'objet de son désir. La perfection de l'espérance augmente donc d'autant. Au contraire, plus l'âme est en possession, moins elle est apte à espérer, et moins parfaite est son espérance, d'après cet argument. La mémoire se remplira de Dieu dans la proportion où elle se sera dégagée des formes ou des espèces, à la réserve cependant du souvenir de Dieu, ou de la sainte humanité du Verbe, dont la contemplation est toujours un moyen efficace pour tendre au but, parce qu'il est le vrai chemin, le guide par excellence et l'auteur de tout bien, en dehors de Dieu et de son Christ. Le vide est la meilleure disposition pour recevoir en soi la plénitude de l'esprit d'amour. Toutes les fois donc que s'offre à l'âme des connaissances ou des impressions spéciales, elle ne doit pas s'y arrêter, mais si elle souhaite vivre dans une entière et pure espérance en Dieu, il faut qu'elle s'élève aussitôt, par un élan d'amour, au-dessus de ces images dans une abnégation absolue, elle leur prêtera son attention, seulement autant que cette pensée lui sera nécessaire pour comprendre et pour remplir ses obligations, alors même il faut éviter d'y mêler un esprit de propriété, de peur qu'elle ne devienne à l'âme un obstacle et une entrave. À cette condition, il ne lui sera pas nuisible d'occuper sa pensée du souvenir des choses qu'elle est obligée de savoir et de faire. Les sentences placées à la fin du chapitre 13 du premier livre pourront lui être utiles dans ce travail de dépouillement. Remarquez, je vous prie, mon cher lecteur, que notre doctrine est fort éloignée de celle de certains hommes pervers, dont l'orgueil et l'envie satanique auraient voulu soustraire au regard des fidèles la vue et le pieux usage des images de Dieu et de ses saints, de manière à détourner ainsi les cœurs du culte qui leur est dû. Certes, nous ne prétendons pas comme ces iconoclastes, abolir les images, et empêcher les âmes de les vénérer. Nous avons simplement à cœur de signaler la distance infinie qui existe entre elle et Dieu. Il faut que l'âme ne se fasse pas de la représentation un obstacle pour parvenir à la réalité, ce qui arriverait inévitablement si l'esprit se laissait captiver par ces objets, plus qu'il n'est utile. Le moyen est nécessaire pour atteindre la fin, comme, par exemple, il est bon de se servir des images pour nous rappeler la pensée de Dieu et des saints, mais s'arrêter au moyen plus qu'il n'est nécessaire, c'est se créer un obstacle. À plus forte raison, doit-on se tenir en garde contre les images et les visions intérieures, d'où peuvent découler une foule de périls et d'illusions? Tel est l'enseignement que je me suis efforcé d'inculquer par ce traité. Quant au respect et à la vénération due aux images offertes à nos regards par notre mère la Sainte Église catholique, leur souvenir, au lieu d'être pour l'âme une pierre d'achoppement, lui deviendra très profitable. S'il réveille l'amour de l'objet qu'il représente, s'en servir à cette fin, c'est favoriser l'union divine, jusqu'à ce qu'il plaise au Seigneur d'élever l'esprit par les attraits de la grâce, de la représentation à la réalité, dans l'oubli de toute créature et de tout objet créé.